dans la presse, tu sens véritablement la douleur que ça fait de mettre son pied. C'est vrai que quand vous voyez quelqu'un mettre son pied dans la presse, c'est vrai que ça fait mal au cœur quand même, hein. C'est vrai, oh, le pauvre. Mais quand c'est nous-mêmes qui mettons le pied dedans, ben on le ressent beaucoup plus. Et c'est là, c'est quand même quelque chose. Et ces gens-là ont souffert. Ils ont terriblement souffert. Moi, je les vois une fois par mois. Ils ont le je ne sais pas moi, ce regret de ne pas avoir resté avec leurs enfants pour les voir grandir. Que disons de gagner de l'argent, mais de les voir que 20 ans, 25 ans, 30 ans et 40 ans après. C'est terrible. C'est ça la vie. Alors à bientôt. Merci. Okay. Merci. Au revoir messieurs. Au revoir. Okay. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Elle est partie maintenant. Refouler un peu la piste là. Ça, c'est bien changé.